إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Donc au dernier cours nous étions arrêtés, يعني ذكرنا مسألة يعني حاجة العبد أو الضرورة لا يعني الضرورة يعني يعني حاجة العبد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى تحت عنوان الضرورة النفسية والشرعية للألوهية. وذكرنا كلاما يطول ذكره وكنا قد وصلنا إلى كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى يتعرض لهذه المسألة. Donc dans le dernier cours nous avions parlé du besoin de l'être humain en tant qu'être humain de diviniser Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah. Et que sans cette adoration qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala, et avant d'être perdu dans l'au-delà, il va être perdu en ce bas monde. C'est pour ça, dhakarna, on a cité ad-darura nafsiyya, la nécessité de son nafs elle-même, c'est-à-dire pour qu'elle trouve sa stabilité. Son âme elle-même pour qu'elle trouve sa stabilité, pour qu'elle puisse être, qu'elle vive correctement et avoir et ressentir un bien-être intérieur. Il faut absolument qu'elle divinise Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, qu'elle adore qu'Allah, qu'elle n'adore personne d'autre en dehors d'Allah. Puis, ad-daruratu shar'iyya, la nécessité légale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ay hatta yafouza bil janna wa yani yujannab an-nar wa yuqihi Allah azza wa jal azab an-nar. C'est afin qu'il entre au paradis et qu'il soit préservé de l'enfer. Wa kunna qad wasalna ila kalam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yaqulu fihi wa'lam anna faqr al-'abd ila Allah ay ya'bud Allah wa la yushriku ay ya'bud Allah لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه أي حقيقته ما يقوم به العبد حقيقته أي ماهيته قلبه وروحه وهي لا صلاح لها أي هذه يعني قلبه أي روحه لا صلاح لها إلا لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو فالروح لا صلاح لها إلا بإلهها ومن هو إلهها الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا أي الروح لا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد له من لقائه ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه لا صلاح للنفس إلا بلقاء الله تعالى ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك لا يدوم بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ به غير منعم له بل ولا ملتذ له بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك أي أحيانا بين قوسين قد يتلذذ العبد بشيء ما يتلذذ بشيء ما ويتنعم به ثم ينقلب عليه الأمر فيعذب بهذا الذي تنعم به وتلذذ به وهذا بخلاف الله تبارك وتعالى فمن أطاعه كما قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أي يخشى الله فيما سبق من أيامه ويتقي الله تعالى فيما يستقبله من الأيام فأولئك هم الفائزون فالله سبحانه وتعالى لا يقاس أبدا على الخلق. من الخلق من تتلذذ به، ومن المخلوقات ما تتلذذ به في أحوال كثيرة، ثم بين عشية وضحاها ينقلب عليك الأمر، فإذ هذا الذي كنت تتلذذ به وتتنعم به أصبح عدوا لذودا لك عفوا. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit: il n'y a pas dans l'existence une chose après laquelle le serviteur trouverait la sérénité. Il n'y a pas dans l'existence une chose auprès de laquelle le serviteur trouverait, auprès de laquelle le serviteur trouverait la sérénité, la tranquillité et un bien-être et un plaisir à se rapprocher de lui, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui adore autre qu'Allah, même s'il aime cet être qu'il adore en dehors d'Allah, qu'il ressent de l'affection pour lui en ce bas monde et une part de plaisir, en réalité cette adoration sera un méfait plus grand pour lui que le méfait de prendre plaisir à manger un plat empoisonné. Donc je répète, il n'y a pas dans l'existence une chose auprès de laquelle le serviteur trouverait la sérénité, la tranquillité et un bien-être et un plaisir à se rapprocher de lui, si ce n'est Allah subhanahu. Et celui qui adore autre qu'Allah, même s'il aime cet être qu'il adore en dehors d'Allah, qu'il ressente de l'affection pour lui en ce bas monde et une part de plaisir, en réalité cette adoration sera un méfait plus grand pour lui que le méfait de prendre plaisir à manger un plat empoisonné. Donc si l'un d'entre nous venait à prendre un plat empoisonné et il prend plaisir à le manger, qu'est-ce qu'il va ressentir après? Ça va être une souffrance terrible. C'est la même chose, quelqu'un peut prendre plaisir à adorer autre qu'Allah, mais la souffrance qui va en découler après va être terrible. وهذه يعني هذه يعني هذا الكلام لم أذكره باللغة العربية، إن شاء الله سأقرأه إذ مررت عليها للأسف، إن شاء الله أذكره. قال ابن تيمية: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. فالمفسدة التي في عبادة غير الله تعالى وتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى أعظم من المفسدة التي تكون في أكلك وتناولك للطعام المسموم، عفاني الله وإياكم. Puis Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit: et sache que le besoin que le serviteur a d'Allah, quel est ce besoin? C'est d'adorer Allah sans lui donner aucun associé. Sache que ce besoin ne peut être comparé à aucun autre besoin auquel il serait semblable. Aucun autre besoin ne peut être comparé au besoin que tu as d'adorer Allah. Ceci dit, ce besoin ressemble en partie à la nécessité du corps à se nourrir et s'abreuver. Tu as tout de même besoin dans ta vie de manger et de boire. Donc, dans certains côtés, on peut comparer le besoin d'adorer Allah au besoin de boire et de manger. Dans quel sens? Ça va suivre dans les paroles d'Ibn Taymiyyah. Il dit, rahimahullah, mais les différences entre ces deux nécessités, à savoir la nécessité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de ne lui donner aucun associé, et l'autre nécessité qui est de boire et de manger, les différences entre ces deux nécessités sont très nombreuses. Car la réalité du serviteur, ce qui fait de toi un serviteur, un être humain réellement, ce qui fait de toi, Afwan, un serviteur, un abd, c'est quoi? C'est pas ton corps, c'est ton esprit et ton cœur. حقيقه العبد قلبه وروحه ليس جسده ليس جسده واضح. Car la réalité du serviteur, ce qui fait de quelqu'un un serviteur, c'est quoi? C'est son cœur et son esprit, qui ne peuvent trouver leur bien-être que par son ilah, par son dieu. Qui est son véritable dieu? Allah, qui est alladhi la ilaha illa illahu, qui Allah qui est le seul et la seule véritable divinité, le seul qui est en droit d'être adoré. L'âme ne peut trouver son bien-être en ce bas monde qu'à travers le rappel d'Allah. L'âme sera forcément amenée à rencontrer Allah, jusqu'à ce qu'Ibn Taymiyyah dise. Donc l'âme ne peut trouver son bien-être en ce bas monde qu'à travers le rappel d'Allah, jusqu'à ce qu'il dise, l'âme sera forcément amenée à rencontrer Allah. Et cette âme ne saurait trouver sa droiture par la rencontre d'Allah. Ne pourrait trouver son, ça veut dire le, ce, sa stabilité réelle que lorsqu'elle rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le serviteur obtient des plaisirs et bonheurs par autre qu'Allah, ils ne dureront pas. Mais au contraire, il passera d'une sorte à une autre, d'une personne à une autre, trouvant son bien-être par l'un d'entre eux à un moment donné, dans certaines situations, et à d'autres reprises, et dans d'autres situations, cette même chose qui fut l'origine de son bien-être et son plaisir ne lui offrira plus aucun bien-être ni aucun plaisir. Au contraire, elle peut même le nuire, la présence de cette chose peut lui nuire et être une cause de sa nuisance et de sa souffrance. Mais son ilah, c'est-à-dire le Dieu de l'homme, c'est qui le véritable Dieu de l'homme? Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais son ilah, le Dieu que l'homme se doit de prendre, il en a absolument besoin à tout moment et où qu'il soit, il lui tient compagnie. Le Dieu de l'homme, t'en as besoin, ton Dieu, t'en as besoin quand? À tout moment. Et à chaque moment, t'as besoin qu'il soit en ta compagnie, c'est-à-dire qu'il te soutienne. Et c'est pourquoi notre imam Ibrahim, alayhi salam, dit « Wa la uhibbu l'afilin » et je n'aime pas ceux qui disparaissent. Et c'est pourquoi aussi le plus grand verset dans le noble Coran est « Allahu alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum » Allah, nulle véritable divinité en dehors de lui, le al-hayy, le vivant par absolu, celui qui est vivant et dont la vie n'a jamais été précédée par une inexistence ni ne sera touché par la mort. Al-Qayyum, celui qui est par le biais duquel l'ensemble des créatures existe et qui n'a besoin de personne pour exister. Fin de citation des paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que notre Dieu, la divinité qu'on se doit d'avoir, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul qui mérite d'être adoré, sa vie n'a jamais été précédée par une inexistence et ne sera jamais touchée par la mort. Et de même, il est toujours présent quand on a besoin. Contrairement aux autres choses. C'est pour ça Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple pour montrer que le soleil et la lune ne méritent pas d'être adorés? Qala la uhibbu falamma afalat qala la uhibbu al-afilin. Lorsque la lune a disparu, il a dit quoi? Je n'aime pas ceux qui disparaissent. Donc l'amour du cœur, il ne doit être lié attaché qu'à qui? Qu'à celui qui ne disparaît jamais. وهذه هذه يعني هذه الفقرة الأخيرة لم يعني أقرأها إن شاء الله سأقرأها من كلام ابن تيمية. قال ولهذا ثم قال وذلك أن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها أي لها مطلوب لا بد أن تطلب شيئا في حياتها تريده وترغب إليه وتقصده وهذا الأمر مفطور فيها فطرها الله تعالى عليه وكونها مريدة من لوازم ذاتها كونها مريدة من لوازم ذاتها أي أن كل عفوا للأسف لهذا هذه الفقرة يعني هذا الكلام كنا قد قرأناه فيما قبل ليس هذا عفوا على كل حال هذا الأمر كنا ذكرناه في الدرس السابق أي أن كل نفس تريد وترغب إلى شيء وهذا لا بد يعني إذا وجدت فهو من لوازم الذات فهو من لوازم النفس لا نتصور أو لا يتصور نفس وهي لا تريد ولا ترغب ولا تسعى إلى شيء هذا مستحيل وكنا قد ذكرنا هذا الكلام لنبين حقيقة ألا وهي أن ما دام الإنسان مفطور على أن يرغب ويقصد ويريد شيئا في حياته فإن لم يجعل الله تبارك وتعالى هو مقصوده وهدفه في الحياة فسيضل السبيل إن لم يفعل ذلك فسيضل السبيل وسيرغب وسيسعى إلى مرضاتي أو في مرضاتي غير الله تبارك وتعالى وهذا أمر يعني مفطور في البشر الكلام الذي لم أقرأه هو كلام من تيمية الآتي وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت وأينما كان فهو معه ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لا أحب الآفلين وكان أعظم آية في القرآن الكريم الله الذي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه أعظم في الآية في القرآن وقد ذكر يعني انتهى كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوي المجلد الأول الصفحة الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين وقد قيل بأن أعظم بأن أعظم اسم لله تبارك وتعالى هو عفوا الحي القيوم. قيل الله، قيل الحي القيوم، قيل الرحمن الرحيم، قيل الواحد الصمد، قيل الواحد الصمد. فإذا أردت يعني أن تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم فادعوه بهذه الأسماء كلها: الله، الواحد الصمد، الرحمن الرحيم، والحي القيوم. أعيد: الله، الواحد الصمد، الرحمن الرحيم، الحي القيوم. Donc il a été dit que même que le plus grand des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Hayyul Qayyum. Lorsqu'il est invoqué par ce nom, il répond, et lorsque tu lui demandes une chose par ce nom-là, il te la donne. Mais bien sûr, إذا تحققت معاني هذا الاسم في قلبك إذا حققتها فهنا تستجاب دعوتك. أما إن لم تحققها وحققت اللفظ فقط فالعبرة بالمعاني ليست بالألفاظ والمباني. فإذا حققت المعنى استجيب لك، فإن لم تحقق المعنى فلن يستجاب لك. Mais bien sûr, c'est pas simplement le nom qui est visé, c'est le sens du nom. Si tu as réalisé le sens de son nom là intérieurement dans ton cœur, Inch'Allah, la dua sera invoquée, sera exaucée. Mais si tu réalises, tu connais juste le nom, sans connaître son sens profond, à ce moment-là, la dua ne sera pas acceptée, parce que la considération dans la sharia, elle est en fonction des significations, et non pas en fonction simplement des termes en apparence. D'accord ? ثُمَّ يَقُولُ الشَّيْخُ حَفِظَهُ اللَّهُ فَالْأُلُوهِيَّةُ إِذَنْ هِيَ حَقِيقَةُ الصِّلَةِ وَالْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَرَبِّهِ. الألوهية أي ما هي الألوهية؟ الألوهية ما هي؟ هي العبادة، بارك الله فيك، هي العبادة. الألوهية أي العبادة، واضح؟ فالألوهية إذن هي حقيقة الصلة والعلاقة بين العبد المؤمن وربه. هذه هي العلاقة الوحيدة بينك وبين الله عز وجل. Puis le cheikh dit, la ulouhiya est donc le véritable lien et la véritable relation entre les serviteurs croyants et son Seigneur. Qu'est-ce que l'ulouhiya ? Qu'est-ce que c'est ? L'ulouhiya, qu'est-ce que c'est ? Abdurrahman, c'est quoi l'ulouhiya ? L'adoration. Voilà, barakallahu fik. Donc l'ulouhiya, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adoration. D'accord ? Al-uluhiyya hiya al-ubudiyya. Al-uluhiyya hiya al-ubudiyya. La diviniser, c'est adorer. Diviniser, deux points, ou égal, adorer. La uluhiyya, l'adoration, est donc le véritable lien et la véritable relation entre le serviteur croyant et son Seigneur. C'est le véritable lien et la véritable, le véritable lien et la véritable relation entre le serviteur croyant et son Seigneur. كما قال الله عز وجل قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Dit Allah ne vous donne aucune importance et vous n'avez aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala si vous ne l'adoriez pas. بمعنى العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي عبادتكم وألوهيتكم وعبوديتكم. فإن لم يحقق العبد العبودية فلا يعبأ الله به وهو ساقط من عين الله تعالى عفاني الله إياكم. Donc celui qui ne réalise pas l'adoration, Allah, il n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله أو في تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر يعني شربة ماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit si cette dunya avait aux yeux d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné à un mécréant à boire une gorgée d'eau. Ça te montre quoi? Que si tu n'adores pas Allah, tu n'as aucune valeur, tu ne vaux rien dans cette vie. يعني الإنسان لا يظن بأننا من الشعب المختار مثلا كما هي عقيدة اليهود. بأننا خلاص آمنا بالله تبارك وتعالى ودعونا إلى توحيد الله والكفر بالطاغوت خلاص يعني عندنا يعني وعد من الله تبارك وتعالى أننا ندخل الجنة أننا ندخل الجنة مهما فعلنا لا الأمر ليس كذلك إن يعني إن كان الإنسان قد استقام على طريق الله تبارك وتعالى وثبت عليه حتى الممات فهنا الوعد لله يتحقق أما إن انحرف وأصبح كالذي كما قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فهذا الإنسان أتاه الله سبحانه وتعالى آياته وكان يعلم آيات الله تبارك وتعالى فانسلخ منها أي تركها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فالنجاة ليست يعني مضمونة ليست مضمونة لنا فإنسان دائما يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ولعن الله من سبها أو اتهمها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك Donc une chose qui est importante, c'est qu'on n'a pas de garantie d'être sauvé, d'entrer au paradis ou d'être préservé de l'enfer. On ne fait pas partie d'un peuple élu. Ce n'est pas parce qu'une fois dans notre vie, on a appelé au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a appelé à désavouer le tarot, qu'on a su c'était quoi le tarot, on a su c'était quoi le tawhid, que ça y est, on a une garantie d'entrer au paradis. Non, la garantie, tu l'auras lorsque tu mourras. Lorsque tu mourras, là, Inch'Allah, tu l'auras si tu es mort sur le tawhid. Mais avant ça, tu n'as aucune garantie. Donc le plus important, c'est de demander tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir. Et c'est pour ça que Aïcha radiallahu anha disait, la majorité des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Allahumma ya muqallib al qulub, ya Allah, toi qui fais tourner les cœurs, thabbit qalbi ala dinik, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc ça, on doit le dire tout le temps. Abu Bakr radiallahu anha, dans surah Salat al-Maghrib, qu'est-ce qu'il faisait? À la troisième raka'a, lorsqu'il se levait du rukou', il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Après, il disait quoi? Non, afwan. Avant le rukou', dans la troisième raka'a. Après avoir lu la Fatiha dans le Maghrib, il disait « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab » C'est le sens de ce verset. C'est « au Seigneur qui ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés et fais-nous don de ta part d'une miséricorde, d'une rahma » c'est-à-dire « pardonne-nous nos péchés passés et accorde-nous la réussite et le bonheur dans le futur. »« Innaka antal wahhab » tu es certes toi le grand donateur. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu, il faisait cette dua. Qu'en est-il de nous? Donc, c'est pour ça que la seule chose pour laquelle tu as une valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ton adoration. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Dis que quelle valeur, quelle importance auriez-vous aux yeux d'Allah s'il n'y avait pas votre adoration? C'est pour ça que le shaykh, il dit quoi ici? الألوهية هي العلاقة فالألوهية إذن هي حقيقة الصلة والعلاقة بين العبد المؤمن وربه Donc l'adoration et l'adoration que le serviteur voue à son Seigneur c'est le véritable lien et le seul lien et la seule relation entre le serviteur croyant et son Seigneur il n'y a rien d'autre qui peut te sauver ne te dis pas ça y est tu es sauvegardé à vie et tu es préservé et Inch'Allah que تتمنى على الله الأماني C'est-à-dire tu nourris de faux espoirs sans rien faire. الفرق بين التمني وبين الرجاء أن الرجاء عمل. أن الرجاء عمل. الرجاء خوف. L'espoir, la différence entre les faux espoirs et le véritable espoir, c'est quoi? C'est que l'espoir, c'est des actions que tu dois faire en même temps. مثلا. Et l'espoir, c'est aussi الخوف. يطلق على الرجاء يطلق على الخوف كلمة الرجاء. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا قال أهل العلم من كان يرجو لقاءه يرجى لقاء الله لمن من عمل وقدم الخير يرجو لقاء الله ويخاف عقابه فمن كان يرجو لقاء الله من كان يخاف لقاءه ويرجو من يخاف عذابه ويرجو جنته وجزاءه الحسن Donc l'espoir c'est un terme qui est employé aussi bien pour la crainte pour la peur que pour le fait d'agir Tu fais des bonnes actions et tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. D'accord ? Donc la seule relation qui est entre le serviteur croyant et son Seigneur, c'est l'ubudiyya, c'est l'adoration. Si l'adoration disparaît, il n'y a plus de relation entre le serviteur et son, et entre le serviteur et son seigneur. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse aux créatures. Allah, ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه. Celui qui fait une action, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, Allah Ta'ala dit, le hadith il est hasan ou sahih, celui qui fait une action dans laquelle il m'associe autre que moi, dans laquelle il m'associe quelqu'un d'autre, je le délaisse lui et ce qu'il a fait. T'imagines Allah subhanahu wa ta'ala il te délaisse. Donc c'est ça, si jamais tu ne voues pas une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ تُخْلِصِ الْعِبَادَ وَالْعُبُودِيَةَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَتْرُكُكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَشِرْكَكَ وَمَا أَشْرَكْتَ بِهِ وَشُرَكَاءَكَ. Donc Allah te délaissera toi et ce que tu lui as donné comme associé et tes actions, qu'Allah nous en préserve. ثم قال الشيخ ومن هذا ندرك أن الأصل في العلاقة بين المؤمن وربه أنها إرادة مبعثها المحبة والإجلال والتعظيم مع الإقرار لله بالربوبية وعلى النفس بالعبودية. منشأ أو مبعث إرادتك مبعث إرادتك لله تبارك وتعالى وقصدك لله تبارك وتعالى عند المصائب وعند النوازل ما هو؟ محبتك وتعظيمك وإجلالك له تبارك وتعالى مع إقرارك بربوبيته ولنفسك بالعبودية. هذا هو الذي يدفعك إلى أن تتجه إلى الله تبارك وتعالى. فأصل عباد فأصل توحيد الربوبية الألوهية توحيد الألوهية توحيد الألوهية. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية غالبا إذا نظرت إليه تجد عنده خللا في توحيد الربوبية. فلا ينفك توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية. مثلا القبورية الذين يلتجئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره عند المصائب والنوازل ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله، فيطلبون منهم المدد والنصر والولد وإغاثة اللهفان وغير ذلك. يعني لماذا يتجهون إليه؟ يقولون أن الله خلق فيهم قدرة على نصرة المظلوم وقدرة على خلق على الإحياء والإماتة، فيعتقدون أن الله وهب صفات ربوبيته لخلقه وبالتالي يتجهون إلى خلقه ليقربوه من الله تبارك وتعالى. وهذا أصل شرك عباد القبور اليوم. فإذا نظرت مثلا يعني بعض الصوفية في مصر يذهبون عند قبر البدوي ويضعون ورقة ومع 3 جنيات وأربعة وخمسة، والورقة بيضاء لا شيء مكتوب فيها، فالثلاث أو الأربعة أو الخمسة أورو الخمسة جنيات ناظر، وأما الورقة فهي الطلب المفروض. يعني كيف ذلك؟ المفروض أنهم يطلبون شيئا، لماذا الورقة بيضاء؟ إذا سألتهم يقولون عافاني الله وإياكم. اسمع الكلام، قبح الله هذا الشرك. العارف لا يعرف، أي أن السيد البدوي يعرف ما أريد، لا أحتاج أن أقول له، فهو يعلم الغيب عنده فلا يعرف. فشركهم في النظر أي 3, 4, 5 جنيات، شركهم وتقديم القربان للبدوي أصله شرك في الربوبية، وهو اعتقاد أنه يعلم الغيب. وإذا جئت ومحصت ونظرت في عقائد القبورية تجد كلهم عندهم شرك في الربوبية، أن السيد يسمع وله السمع المطلق، نعم تستغيث به من هنا ويسمعك، يعني أقطاب العالم. لماذا يسمونهم أقطاب العالم؟ Donc ce qui est à retenir, une chose qui est importante, le Cheikh à la suite de ça il dit, et à travers ce qui a précédé, nous pouvons comprendre que l'origine du lien entre le croyant et son Seigneur est une volonté dont l'origine est un amour, une vénération, ijlal, et un ta'zim, un respect, une glorification et un hommage accompagné de la reconnaissance à l'iqrar de la seigneurie d'Allah bi rububiyyatillah et de la servitude de l'âme et la reconnaissance que l'être humain, nous sommes des serviteurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le Seigneur. Donc ici il a cité plusieurs choses. Et on va s'arrêter dessus pour expliquer un peu. Cette volonté qui est dans le cœur, est-ce qu'elle peut rester dans le cœur sans bouger, sans forcément faire que tes actes y bougent? Est-ce que c'est possible que tu veuilles une chose, tu as envie de boire de l'eau, mais tu restes là? Tu restes, tu as envie de boire de l'eau, j'ai envie, je meurs d'envie de boire de l'eau, mais tu vas pas. C'est possible? Mustahil. إذا أردت شرب الماء تحركت يدك وجوارحك من أجل تناول الماء. Si tu as envie de boire, forcément tu vas bouger pour aller boire. C'est pas possible que tu aies envie sans bouger. D'accord. Donc une volonté, le lien qui est entre nous et Allah, c'est l'adoration. Nous, on adore Allah, tabaraka wa ta'ala. Cette adoration, comment le cheikh l'a exposé? Il a dit, une volonté dont l'origine est un amour. Cette volonté, elle est là dans le cœur. Elle te pousse à adorer Allah, à te lui demander de l'aide lorsque tu es en difficulté. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu vas retourner vers le jugement d'Allah pour savoir quelle est la solution, afin de te soumettre totalement au jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu as besoin d'être soutenu dans une difficulté, tu reviens vers Allah. Lorsque tu es stressé, que tu as besoin d'être calmé, ou tu as besoin de te retrouver apaisé, tranquillisé, tu reviens vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Cette volonté-là, qui amène à des actions, quelle est son origine? C'est quoi l'origine de cette volonté? D'où elle vient cette volonté? Pourquoi elle est présente? Pourquoi? Parce qu'il y a... Elle est présente pourquoi? Parce que tu as connu Allah et tu l'as aimé. Tu l'as connu et tu l'as aimé. Tu as connu quoi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a mené à l'aimer? Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître avant. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Si, imagine-toi, jamais de ta vie tu as entendu parler des pommes et je te dis que tu aimes les pommes, tu vas me dire quoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Taïeb. Donc aimer une chose, tu peux aimer une chose que lorsque tu la connais. Donc ce qui te pousse à adorer Allah et revenir vers lui et l'adorer lui seul, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah. Mais ce qui te pousse à aimer Allah, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah. D'accord? Donc l'origine de cette volonté, du fait qu'on s'oriente vers Allah et que le serviteur s'oriente tout le temps vers Allah et qu'il revienne et qu'il se tourne vers Allah pour l'adorer lui seul et lui demander la récompense et craindre son châtiment, l'origine de tout ça, c'est l'amour d'Allah, la vénération d'Allah et le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, le respect et la vénération. Et tout ceci accompagné de la reconnaissance de sa seigneurie, c'est-à-dire qu'il est lui seul qui crée l'homme, c'est lui qui le seul qui possède le pouvoir de création. D'accord? C'est lui seul qui gère ce monde. Et c'est lui seul qui donne la vie et la mort. De même qu'à lui seul appartiennent les attributs de perfection. Wala usifat ul kamal. À lui seul appartiennent les attributs de perfection. Wa af'aluhu kadhalik. Et les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala de même sont parfaites. Cette connaissance de qui est Allah, qui t'a mené à l'aimer, et la reconnaissance que toi tu es un serviteur, tout ça, ça t'a mené à quoi? À t'orienter vers Allah. Et c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. C'est pour ça que lorsque tu vas regarder la situation des Qubouri aujourd'hui, de ceux qui adorent autre qu'Allah, il y a souvent, regardez juste pas très loin, il y a une mosquée de Pakistanais. Tu rentres dans la mosquée, marqué quoi? Ya Rasulallah, rithna. Non. Ils te disent, Ya Rasulallah, au message d'Allah, secours-nous. Lorsque tu leur demandes pourquoi, et ça c'est pas une histoire, ça s'est vraiment passé. Il y a un frère, il leur a demandé, comment ça se fait que vous demandez ça? Il y avait une voiture à côté. Il lui a dit, cette voiture, elle peut rouler? C'est qui lui permet de rouler? Tu vas lui dire, c'est Allah. Et il te dit, c'est la même chose. Allah a donné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le pouvoir de nous secourir. Allah, ils te disent, le prophète, c'est lui qui a fendu la lune en deux. C'est Allah qui a fendu la mer en deux, c'est pas le prophète. Man alladhi kana yuhyi al-mauta? Isa min Allah azza wa jalla. Allah, Isa lam yakun illa sababan. Ay yad'u yadahu fa yuhyi Allah al-mauta. Wa hadha sayati inshallah fi al-kalam. Isa alayhi salam, c'est lui qui donne la vie aux morts? Non, c'était Allah. Isa était un moyen. C'est-à-dire il posait sa main et Allah il donnait la vie. D'accord? Et c'est lui, c'est Allah qui guérissait, c'était pas Isa alayhi salam. Et c'est pour ça que l'ulama, qu'est-ce qu'ils te disent à l'Sunna? Ils te disent les miracles, al-mu'jizat, af'alullah, ala yadi rusulihi, ou awliyaihi, khariqatun lil'ada. Les miracles, c'est quoi? C'est les actions d'Allah, c'est les actions qu'Allah fait à travers ses prophètes ou ses alliés et qui ne respectent pas le règlement ou le règlement de cause à effet. C'est-à-dire les lois de la physique, ils ne les respectent pas. Mais pourquoi les savants d'Ahl Sunnah, à chaque fois, ils te disent les miracles sont les actions d'Allah, les miracles sont les actions d'Allah, pourquoi? حتى يفرق بين عقيدة أهل السنة أهل التوحيد وعقيدة أهل الشرك من الصوفية الذين يعتقدون أن المعجزات أفعال الأنبياء وأن المعجزات أفعال الأولياء وأنهم الذين يفعلون. Afin de distinguer, pourquoi ils font ça? Afin de distinguer entre la عقيدة des gens de la Sunna, des gens du Tawhid et la عقيدة des mushrikines parmi les soufis, qui disent que les miracles sont les actions. Sont les actions de qui? D'Allah? Non, ils te disent c'est les actions des prophètes, c'est les actions des saints. Alors que non, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas ces actions-là à autre que lui. Pourquoi? لأن الاعتقاد الاعتقاد في الأنبياء أنهم يخلقون وأنهم يحيون الموتى هذا الاعتقاد يدفع إلى التعلق القلب أو ينشأ عنه تعلق القلب بهم وبعد ذلك تأليههم وعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. Parce que le fait de penser ça, ça te mène à quoi? Même après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, la personne peut dire quoi? Ya Rasulallah, donne-moi un enfant. Et il va te dire c'est Allah qui lui permet de me donner un enfant. Et moi je demande au prophète صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah lui a donné le pouvoir et il me le donne. Qu'Allah nous préserve. Mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il n'y a pas de shirk. En majorité du temps, quand vous allez méditer les situations des gens qui commettent du shirk, il n'y a pas du shirk dans la seigneurie, dans l'adoration, si ce n'est que la cause, c'est du shirk dans la seigneurie déjà. Du shirk dans la seigneurie et du shirk dans le mahabba, dans l'amour. Allah Azzawajal dit quoi? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. احنا كنا عملنا موضوع يعني مساله شرك المحبه يعني الناس مفتونين هذه الايام كثير بكره القدم وكذا يعني تكلمنا فيها وقلنا يعني وش يدخل هذا شرك المحبه الى اذا دفعهم الى ترك الصلاه مثلا فعلى قول من قال من العلماء ان ترك الصلاه الواحده كفر بالله تبارك وتعالى فيكونون قد اشركوا بالله الشرك الاكبر. أما على فإن لم يصل فإن كان يوالي ويعادي من أجل ذلك ويرى من كان من فرقته أقرب إليه ممن ليس من فرقته ويجعل أصل الولاء الانتماء إلى هذه الفرقة ويحب ويبغض ويحيا ويموت من أجل ذلك فهذا لا شك أنه اتخذ هذه الفرقة وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى لأنه جعل أصل الولاء والبراء يعني فيه ولا يبالي بالإسلام ولا بغير الإسلام المهم أنك يعني تنتمي لفرقته فهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. Par exemple, ceux qui adhèrent à certaines équipes de foot, dans quel cas c'est du shirk akbar? Ça peut arriver quand la personne il aime ceux qui s'affilient à son équipe et il déteste ceux qui ne s'y affilient pas et il voit et il considère les gens qui s'affilient de cette équipe plus proches de lui que ceux qui ne s'y affilient pas. Il ne prête aucune attention que la personne soit musulmane ou pas. Le plus important, c'est que tu fasses partie de son équipe. Il t'aime, il aime et il déteste pour ça. Il s'allie, il se désavoue. Il est prêt à se battre et à déclarer des guerres pour ça. Et il vit et il meurt pour ça. Il se lève au matin, il pense à ça. Au soir, il pense à ça. Et l'islam n'a aucun impact dans sa vie, dans le sens où il ne prend pas l'islam comme base d'alliance et de désaveu, d'amour et de haine. Non, c'est l'équipe de foot. Et il vit là-dedans, il vit comme ça toute sa vie. Ça, s'il n'y a pas de doute, c'est du shirk dans le wala. C'est du shirk dans l'alliance. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'afwan. Qula ghayra Allahi attakhidhu waliyan, fatir as-samawati wal-ard, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dis est-ce autre qu'Allah que je vais prendre comme allié? Ça veut dire quoi? Aghayra Allahi attakhidhu waliyan. Ay uwali wa u'adi min ajli ghayrihi. C'est-à-dire que je m'allie, je me désavoue en fonction d'autre que lui. Pas en fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de la religion d'Allah, ou de l'islam. Non, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis comme font les nationalistes, comme font les certains et autres. Ça, dans certains cas, il n'y a pas de doute que ça devient du shirk akbar. Si tu vis et tu meurs pour ça. Et la personne qui s'affilie à ton équipe, il est plus proche de toi que celui qui ne s'y affilie pas. Ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk akbar, qu'Allah nous en préserve. Taïb. ثم يقول الشيخ حفظه الله طيب ومن هذا ندرك أن الأصل في العلاقة بين المؤمن وربه أنها إرادة مبعثها المحبة والإجلال والتعظيم مع الإقرار لله بالربوبية وعلى النفس بالعبودية والافتقار إلى الله وحده وتقديم محبة الله على كل محبة بحيث تكون محبته تعالى هي الغاية لجميع المحبوبات وميل الإرادة عن كل مراد غير الله إلى الله وحده وهذه حقيقة الحنيفية وهذه حقيقة الحنيفية التي خلق الله الخلق عليها. Puis le Cheikh dit, donc à la suite de ce qu'on avait cité précédemment, donc et à travers ce qui a précédé, nous pouvons comprendre que l'origine du lien entre le croyant et son Seigneur est une volonté dont l'origine est un amour, un respect, l'amour, le mahabba, le respect, l'ijlal, la vénération, at-ta'zim, le respect, la glorification, accompagné de la reconnaissance de la seigneurie seule d'Allah et de la servitude de son être à ce Seigneur et son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et la priorité, donc, est faire prévaloir et la priorité de l'amour d'Allah face à tout autre amour. Que tu fasses prévaloir l'amour d'Allah face à tout autre. De quelle manière tu fais prévaloir l'amour d'Allah? كيف تقدم محبة الله على محبة غيره? De quelle manière tu fais prévaloir l'amour d'Allah sur tout autre amour? De telle sorte à ce que l'ensemble des choses que tu aimes soient aimées pour Allah. Et que la volonté se détourne de tout autre objectif, c'est-à-dire tout autre objectif adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah seul. Voici donc la réalité de la hanifiyya, c'est-à-dire le véritable monothéisme, le monothéisme pur, sur laquelle Allah a créé la création. Voici le véritable sens et la réalité de la hanifiyya, le véritable monothéisme et le monothéisme pur sur lequel Allah a créé la création. ثم قال ابن القيم رحمه الله يقول الإمام ابن القيم عن حقيقة العلاقة بين العبد وربه إنه لا نسبة بين الله وبين العبد إلا محض العبودية من العبد والربوبية من الرب. Et ibn al-Qayyim rahimahullah dit, en exposant le réel lien entre le serviteur et son Seigneur, il dit il n'y a d'autre lien entre Allah et entre le serviteur que la simple adoration de la part du serviteur et la seigneurie de la part du Seigneur. C'est le seul lien qui est entre Allah et nous. Notre adoration qu'on lui voue est la seigneurie qu'il nous accorde. C'est-à-dire, il s'occupe de nous. وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيَّ الَّذِي رَبَّانِ وَرَبَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ بِنِعَمِهِ. Et s'il te dit, comme a dit Cheikh l'Islam Mohammed Abdel Wahab, rahimahullah, qui est ton Seigneur, tu répondras, mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble des créatures par ses bienfaits. Et qui a éduqué l'ensemble de ses créatures par ses bienfaits. Et les bienfaits sont visibles ou cachés. نِعَمُ اللَّهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Ils sont visibles et cachés. Les bienfaits visibles, c'est quoi? Il t'a accordé une mère, un père qui t'ont éduqué. Il t'a permis de manger, de grandir. Il t'a accordé un grand nombre de bienfaits que tu peux observer à l'œil nu. Et les bienfaits cachés, c'est la foi qu'il t'a accordé. La foi, l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le plus grand des bienfaits. وَهَذَا وَالْإِمَانُ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْظَمُ نَعِيمٍ يَرْزُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْ يُنْعِمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَكَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous dénombrez et vous essayez de compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pourrez les dénombrer. Donc, il n'y a d'autre lien entre Allah et entre les serviteurs que la simple adoration de la part du serviteur et la seigneurie de la part du Seigneur. Puis Ibn al-Qayyim dit: وَلَيْسَ فِي الْعَبْدِ شَيْءٌ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا فِي الرَّبِّ شَيْءٌ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ. Et il n'y a rien. Et le serviteur n'a aucune part de seigneurie au même titre que le Seigneur n'a aucune part de servitude. لَيْسَ كَمَا قَالَ الزِّنْدِيقُ لَعَنَهُ اللَّهُ ابْنُ عَرَبِي أَوْ الْحَلَّاجُ الذين يعني قالوا بوحدة الوجود أي أن الله عز وجل حل بهم حتى قال يعني كبيرهم لعنه الله قال سبحاني سبحاني. C'est pas comme disent Ibn Arabi, c'est un homme qui était connu. Souvent, on trouve les livres, ces livres dans les librairies. Ibn Arabi ou Al-Hallaj, c'est un des chiites de Soufia, qui sont arrivés au stade de dire qu'Allah était entré en eux. À tel point que il disait, Al-Hallaj, il disait pas Subhanallah, il disait Subhani, Subhani, pureté à moi. Parce qu'il disait qu'Allah était entré en lui. Et Ibn Arabi, kana yaqul, A'buduka wa ta'buduni. Je t'adore et tu m'adores. Il s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaqulu hadha az-zindiq man naha an-nasa an 'ibadati al-asnam an 'ibadati al-asnam faqad nahahum an al-haqq. Na'am, li'anna Allah 'azza wa jalla yani al-asnam man fihim. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fa yaqul 'ibad al-asnam ya'buduna Allah haqiqatan walakin 'ulama adh-dhahir la yafqahuna hadhihi al-umur. يستدلون على كل حال يستدلون ببعض الشبه يستدلون ببعض الشبه على قولهم الباطل à tel point qu'ils en sont arrivés à dire quoi Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi il y a un grand imam qui s'appelle enfin un grand imam qui était Ash'ari entre parenthèses mais qui était connu dans le fiqh Ibn al-Arabi al-Maliki ça c'est un imam c'est un savant parmi les savants musulmans mais il y a le zindiq l'hypocrite al-Tarut Ibn al-Arabi il disait celui qui a interdit aux gens d'adorer les statues il leur a interdit la vérité en fait. Parce que quand ils adorent les statues, ils adorent qui? Ils adorent Allah. Donc celui qui leur interdit ça, il leur interdit une part de la vérité. Donc lui, il est dans le faux. يقول بين عباد الأصنام يعبدون الله حقيقة فإذا جئت ونهيتهم نهيتهم عن عبادة الله. نعم. Donc Ibn Qayyim dit quoi? Et le serviteur n'a aucune part de seigneurie au même titre que le seigneur n'a aucune part de servitude. Le seigneur, c'est le seigneur. الرب هو الرب والعبد هو العبد. ثم يقول ابن القيم رحمه الله فالعبد عبد من كل وجه والرب تعالى هو الإله الحق من كل وجه. Le serviteur est un serviteur de toutes parts et le Seigneur Ta'ala est le véritable Dieu, le seul Dieu d'être adoré de toutes parts. Donc le serviteur c'est le serviteur et le Seigneur c'est le Seigneur. ومعقد نسبة العبودية هو المحبة. ومعقد نسبة العبودية هو المحبة. Puis il dit le point d'attachement de ce lien de servitude, c'est quoi? C'est l'amour. Pourquoi tu adores Allah? Parce que tu l'aimes. Pourquoi tu l'aimes? Parce que tu l'as connu. Tu l'as connu à travers quoi? À travers ses noms parfaits. À travers son essence qui est parfaite et ses qualités qui sont parfaites. C'est pour ça que, on va lire inshallah certaines paroles d'Ibn Qayyim, on va le laisser pour après quoi qu'il en soit, qui... C'est dans la succession des cours, vous allez, on va le voir, ça, inshallah. Yani aslu limadha yuhibbu al-'abdu rabbahu tabaraka wa ta'ala. Wa ma hiya mansha'u hadhihi al-'ibada? Quelle est la raison pour laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui te pousse à l'adorer? Et on va voir les raisons inshallah par après. Fal-'ubudiyyatu ma'qudatun biha bihaythu matan hallat al-mahabbatu in hallat al-'ubudiyyah. انتهى كلامه رحمه الله من مدارج السالكين المجلد الثالث الصفحة الخامسة والثلاثين إلى السادسة والثلاثين. Donc puis il dit Ibn al-Qayyim, la servitude est attachée à cet amour, c'est-à-dire la servitude. Notre servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est attachée à l'amour. De telle sorte que lorsque cet amour, cette mahabba disparaît, la servitude disparaît. Le jour où l'amour d'Allah disparaît, ben, tu n'es plus le serviteur d'Allah. Tu es le serviteur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve. Puis le cheikh dit, ثم ذكر كلاما لابن القيم كلاما آخر قال فيه فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان ولتعطلت منازل السير إلى الله. لو بطلت مسألة المحبة لَبَطَلَ جَمِيعُ مَقَامَاتِ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَلَتَعَطَّلَتْ مَنَازِلُ السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ إِذَا بَطَلَتْ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ إِنْتَهَى أَمْرُهُ لَا يُرْجَى لَهُ شِفَاءُ. هذا الأمر خطير جدا. فالإنسان عليه يركز على تقوية محبته لله سبحانه وتعالى من خلال النظر إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى وعظمة الله في خلقه ويتدبر هذا الأمر ويتدبر آيات الله والقرآن الكريم وغيره من مقويات الإيمان لأنه إذا انتفت المحبة انتفت العبودية وهذا أمر خطير جدا وإذا انتفت المحبة فلا إيمان لك ولا إحسان لك ولا شيء يعني انتهت حتى سيرك إلى الله سبحانه وتعالى انتهى توقف خلاص فتسير إلى من؟ إلى الشيطان انتهى سيرك إلى الله عفوا الله وإياكم. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, si jamais l'amour disparaît et s'annule, si l'amour d'Allah disparaît et s'annule, l'ensemble des degrés de la foi, de la perfection de l'ihsan disparaîtront et s'annuleront. Si l'amour y disparaît, tout le reste disparaît. Si l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala disparaît, c'est la fin. C'est la fin. Ton chemin vers Allah, il s'arrête. Et tu commences un autre chemin vers qui? Vers le shaitan et vers le nar, qu'Allah nous préserve. Donc d'où l'importance de se concentrer sur la manière de renforcer sa foi et de renforcer son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? En méditant sur la grandeur d'Allah. En méditant sur la grandeur d'Allah à travers quoi? À travers le monde que tu vois autour de toi. En méditant le Coran al-Karim, dans lequel il y a une guérison pour les cœurs. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons révélé du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde, une rahma pour les croyants. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَيَنِ نَجَّاكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَرَزَقَكَ السَّعَادَ أَسْعَدَكَ فِي دُنْيَاكَ أَطِعِ اللَّهَ يُسْعِدْكَ. فإذا قرأت القرآن بتدبر وتمعنت معانيه تمعنت في معانيه رزقك الله سبحانه وتعالى رحمته أي أسعدك فيما تبقى من أيامك وسترى عن أعين خلقه ما اقترفته من الذنوب. صلى الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم التوبة النصوح أو توبة النصوح. Donc ce qui est à retenir, c'est que cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit absolument de se concentrer et de faire des efforts pour le renforcer. Parce que si jamais on arrête de le renforcer, qu'est-ce qui va se passer? Il va disparaître. Et s'il disparaît, à ce moment-là, tu commences un chemin vers le shaitan, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. De même que toutes les manazes et les étapes du chemin vers Allah s'annuleront. Comment? Ils s'annuleront par le fait que cet amour disparaisse. Car l'amour, la mahabba, représente l'esprit de tous les maqams et les manazil et les actes. L'amour, c'est l'esprit des actions que tu accomplis. Tout ce que tu fais comme bonnes actions, al-mahabba ruhul amal. Donc si tu trouves ces actes sans esprit, ce sera comme des cadavres. Tu as déjà vu des gens qui s'approchent d'un cadavre? Les gens ne s'approchent pas d'un cadavre. Pourquoi? Parce que son odeur est mauvaise. Et autres, parmi les méfaits, les gens ne sont pas apaisés près d'un cadavre. Donc si tu veux que tes bonnes actions soient acceptées, laisse l'esprit de ces bonnes actions-là, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنها المحبة روح كل مقام ومنزلة وعمل فإذا خل منها فهو ميت لا روح فيه ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها بل هي حقيقة الإخلاص. المحبة هي حقيقة الإخلاص. تريد أن تعرف هل أنت مخلص أم لا فانظر إلى محبتك لله تبارك وتعالى. وتريد أن تنظر إلى مقام محبتك لله فانظر إلى حالك أمام حدود الله تبارك وتعالى. وهنا تعرف أن أنت مخلص أم لا. الإخلاص ليس أمر يعني سري تبحث عنه طيلة حياتك بمعنى أنك حتى تصبح موسوس هل أنا مخلص مش مخلص مخلص مش مخلص. لا، أطيع الله، قف عند حدوده، امتثل أوامره فأنت محبا له. إن كنت مخلصا بمعنى لا تفعل ذلك لغيره وصادقا لا تريد أن ترضي غيرك غير الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال فأنت إن شاء الله مخلص. لماذا؟ لأنك محب لله. كيف عرفنا أنك محب؟ لأنك امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه. Donc si tu veux savoir si tu es, donc le cheikh l'imam al-Qayyim dit ensuite, et le rapport, et si un acte est dépourvu de cet amour, il sera comme un mort sans âme, comme un cadavre sans âme. Et le rapport entre la mahabba, l'amour, et les actes d'obéissance est pareil au lien entre la sincérité et ses actes, et les actes que tu fais. Bien plus, l'amour, cet amour pour Allah, est elle-même la réalité d'al-ikhlas. Tu veux savoir si tu es sincère ou pas? Vois est-ce que tu aimes Allah ou pas. Si tu veux savoir est-ce que tu aimes Allah, regarde comment tu agis lorsque tu es face aux limites qu'Allah a fixées face aux ordres et aux interdictions d'Allah. Si tu t'en éloignes, tu t'abstiens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit avant tout, et que tu fais ce qu'Allah t'a demandé en fonction de ce que tu peux, fa'alam annaka muhibbun lillah. Sache donc que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, fais attention de ne pas agir pour que les gens disent du bien de toi, et à ce moment-là, la sincérité sera réalisée. La sincérité, ce ne doit pas être une chose que on va commencer la salat. Allah, après tu recommences. Tu ne vas pas rester une heure comme ça. Il y en a, ils restent comme ça longtemps. C'est quoi mon intention? Là, prie, ton intention, elle est accompagnée de ton acte. D'accord? Donc la sincérité, ce ne doit pas être quelque chose qui te... Tu marches dans la rue, puis tu te dis que j'étais sincère, j'ai pas été sincère, j'étais sincère. J'étais... Après, à la fin, tu deviens quelqu'un de malade psychologiquement. Tu deviens quelqu'un de malade psychologiquement. Non, regarde, lorsqu'Allah t'ordonne une chose, tu le fais. Lorsqu'Allah t'interdit une chose, tu t'en abstiens. Tu fais ce qu'Allah t'a demandé en fonction de ce que tu peux. Et à ce moment-là, tu sauras, inshallah, que si tu agis pas pour les gens, tu es sincère. Donc Ibn al-Qayyim dit, la mahabba, c'est la réalité. Cette mahabba représente la véritable sincérité. Puis il dit, Ibn al-Rahimallah, encore plus cet amour est l'islam en soi. L'amour d'Allah, c'est ça l'islam, le véritable islam. ثم يقول رحمه الله بل هي أي المحبة نفس الإسلام فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. Car l'islam, qu'est-ce que c'est? L'islam représente la soumission par humilité, amour et obéissance à Allah. La soumission par humilité, amour et obéissance à Allah. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, celui qui n'a pas d'amour n'aura aucun islam. C'est comme si tu fais amour égal islam. Pas d'amour, pas d'islam. فَمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ لَا إِسْلَامَ لَهُ أَلْبَتَّ بَلْ هِيَ حَقِيقَةُ شَهَادَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّ الْإِلَهُ هُوَ الَّذِي يَأْلَهُ الْعِبَادِ حُبًّا وَذُلًّا وَخَوْفًا وَرَجَاءً وَتَعْظِيمًا وَطَاعَةً لَهُ بِمَعْنَى مَأْلُوهُ وَهُوَ الَّذِي تَأْلَهُ الْقُلُوبُ أي تحبه وتذل له وتذل له وأصل التأله أي التعبد والتعبد آخر مراتب الحب يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه فالمحبة حقيقة العبودية انتهى كلامه من مدارج السالكين المجلد الثالث الصفحة 26. Puis Ibn al-Qayyim dit, donc celui qui n'a pas d'amour n'aura aucun islam, et même plus, cet amour représente le véritable témoignage qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah. Car le ilah, le Dieu, est celui que les serviteurs divinisent par amour, mahabba, hubban, par humilité, dhullan, par peur, al-khawfan, par espoir, raja'an, par respect, ta'ziman, et par obéissance, wa ta'atan. Al-ilah, le Dieu, a donc pour signification al-ma'lou, celui qui est adoré, et que les cœurs divinisent, c'est-à-dire qu'ils aiment et auxquels ils se soumettent. Celui qu'ils aiment et auxquels ils se soumettent. L'origine étymologique du ta'allou, de l'action d'adorer, de diviniser, l'action de diviniser est le ta'abboud, l'action d'adorer. L'origine étymologique du ta'allou, qui est l'action de diviniser quelque chose ou quelqu'un, c'est quoi? C'est le ta'abboud, c'est l'adoration. Et le ta'abboud, l'adoration, l'action d'adorer, et tes actes d'adoration, est le dernier degré du hub, de l'amour. Et c'est pour ça qu'on dit, abbadahu al-hubbu wa tayyamahu, l'amour l'a asservi. L'amour l'a asservi. Comment on dit que quelqu'un, l'amour pour une personne l'a asservi? On dit, abbadahu al-hubbu wa tayyamahu. Lorsque l'amour possède son esprit, son être, et l'humilie à celui qu'il aime, et le rabaisse à celui qu'il aime. À ce moment-là, cet amour-là, on va le qualifier de quoi? De ibad. Et l'amour représente donc la réalité même de l'adoration, c'est-à-dire de la servitude. Donc l'amour est la chose la plus importante dans l'adoration. Et dans l'islam, c'est ça le plus important. Et bien sûr, cet amour ne doit pas être voué n'importe comment, ça on verra par après, inshallah ta'ala. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim. Donc, Madarij al-Salikin, volume 3, page 26. سائلين الله تبارك وتعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أصلح فساد قلوبنا وارزقنا حسن الخاتمة وانصر من نصر دينك ولا تجعلنا من المخذلين ولا من المخذلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.